La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Blob Story aux Utopiales de Nantes. Une aventure humaine, cela n'arrive pas comme ça, ça ne surgit pas tout seul du néant pur. Toute aventure humaine, quelle qu'en soit l'envergure, exige des conditions de possibilité. On raconte par exemple qu'Honoré de Balzac avait besoin de duchesses pour écrire de la bonne littérature. Le Tour de France réclame quant à lui son lot d'étapes parsemées de cols de légende pour s'élever lui-même jusqu'au mythe. Mais ce que je dis là vaut aussi et surtout pour la pensée. Qu'elle soit scientifique ou philosophique, elle exige elle aussi pour avancer que certaines conditions soient réunies. Pour s'arracher à ses routines et se guérir de ses facilités, elle a besoin de se frotter au bizarre, au déroutant, au paradoxal, faute de quoi elle se bloque et se fige en un cercle. Voilà pourquoi, pour qui aime la réflexion, toute rencontre avec l'étrange a des parfums d'aubaine. Elle oblige à penser plus haut, à réfléchir autrement, à dépasser les idées reçues. Alors aujourd'hui, nous sommes en public à Nantes, aux Utopiales. Je salue toutes les personnes qui sont ici très nombreuses. Et nous allons tenter de secouer la vie de la pensée en distillant du bizarre. Nous allons même le faire de deux façons différentes. D'abord en évoquant les Utopiales elles-mêmes, qui sont consacrées cette année au corps dans tous ses états, avec des questions comme « Qu'est-ce que la science-fiction nous raconte de ce qui nous attend en matière de devenir corporel ? Le corps va-t-il devenir malade de son environnement ou au contraire flirter avec l'immortalité ? Allons-nous nous cloner ? Y aura-t-il bientôt des utérus artificiels ? Ensuite, et en réalité en même temps, nous parlerons d'un être étrange dont je ne saurais dire s'il a un corps ou non, le blob. Il s'agit d'un organisme vivant composé d'une seule cellule, difficile à classer car il a des pigments comme les plantes, il mange comme un animal et il se reproduit comme un champignon, mais il n'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon. On dirait un canular et pourtant il existe bel et bien. Le blob est la superposition quantique d'espèces d'ordinaire bien distinctes. Et pour parler de ces étrangetés, celles qui se discutent ici aux Utopiales et celles du blob, j'ai invité Audrey Dussutour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS. Vous êtes en réalité myrmécologue. Oui, c'est ça. Myrmécologue, spécialiste des fourmis. Exactement. Et vous êtes venue parler du blob. Oui. Vous nous expliquerez l'origine de cette contradiction. Et mon second invité est Roland Lehoucq, bien connu astrophysicien, qui est l'organisateur des Utopiales. Bonjour. Bonjour Roland. Alors j'ai lu quelque part que vous avez écrit « Les Utopiales réunissent tous ceux qui, jour après jour, réfléchissent aux transformations de notre monde et envisagent la science-fiction comme une pédagogie du réel ». Moi je croyais que la science-fiction c'était un voyage dans l'imaginaire. En quoi peut-elle être une pédagogie du réel ? Alors effectivement, la science-fiction, c'est un voyage dans l'imaginaire aussi, mais si on regarde dans les racines historiques de la science-fiction, les littératures qui ont, sans être de la science-fiction, peut-être pu inspirer la science-fiction, ou en tout cas ont des points communs, on peut trouver par exemple le conte philosophique, la Micromégas de Voltaire par exemple, ou les aventures d'Ouzbek Erika dans les Lettres persanes de Montesquieu, où là on a un changement de point de vue, on cherche à parler de notre monde, de la situation sociale, de la situation politique de notre monde, mettons européen, mais en prenant, comme dit Voltaire, le point de vue de Sirius, c'est-à-dire de se mettre en décalage et d'essayer de comprendre comment fonctionne notre monde en le faisant observer par un observateur imaginaire, mais qui prendrait les aspects les plus curieux de notre monde à l'aune de son monde qui pour lui serait normal. Kepler a aussi utilisé cette possibilité dans le songe, ou voulant finalement discuter, représenter, montrer ce qu'était le système héliocentrique avec le soleil au centre et la Terre et les autres planètes qui tournent autour, et évidemment dans un contexte où on est en train de se débarrasser du système géocentrique pour passer dans une autre représentation du monde. Et dans le songe, il imagine un voyage vers la Lune comme nouveau point d'observation de notre système solaire pour mieux décrire ce que verrait un hypothétique voyageur ou un hypothétique personnage observant la majesté et le mouvement des planètes autour du Soleil. Alors vous avez choisi le corps cette année comme sujet des Utopiales. Comment est-ce que cette idée vous est venue à l'esprit, si j'ose dire ? Qu'est-ce alors, qui, dans le corps, réclame qu'on s'y intéresse particulièrement? Alors d'abord, le corps, on y est collé dedans, si j'ose dire, d'une certaine façon. C'est notre véhicule, le véhicule de notre pensée. Et puis c'est un thème qui a été extrêmement utilisé dans la science-fiction. Alors, commençons par les facilités, les corps célestes. Évidemment, la science-fiction va vers la Lune d'abord, les Sélénites, puis les Martiens, puis d'autres planètes lointaines avec des extraterrestres curieux qui ont, pour le coup, des corps parfois humanoïdes, mais parfois très différents. La science-fiction, disons, qui tombe dans la facilité, montre des espèces intelligentes humanoïdes, mais bien souvent, parfois aussi, montre des êtres intelligents qui ont des formes différentes. Est-ce que la forme humanoïde est consubstantielle de l'intelligence? Peut-on être intelligent en ayant des grandes dents, des petits yeux méchants et en bavant? Alors voilà, ça, c'est quand on les voit, on se dit, oulala, celui-là, il a pas l'air... Si on pense à Alien, par exemple, on se dit, celui-là, il a pas l'air bien gentil. Donc cette altérité radicale qu'est l'extraterrestre interroge aussi notre vision du monde, des autres humains et de nous-mêmes comme humains. Mais les extraterrestres seront soumis aux lois physiques comme nous. Oui, et vous aussi... qui avez regardé comment ces lois physiques contraignent notamment le corps des extraterrestres, si on vous en présentait un, comment, a priori, vous le représenteriez? Alors, quelle taille? Ce qu'on pourrait dire, alors, on pourrait imaginer plein de choses, mais ce que la science peut dire, la physique, la biophysique, la biomécanique, la biologie aussi, évidemment, c'est ce que ça ne pourrait pas être. C'est ça qui est plus intéressant, c'est de réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Un géant humanoïde bipède dans la gravité de la Terre qui fait 10 mètres de haut, formé avec la matière humaine, les os humains, la chair humaine, ça n'est pas possible. C'est trop grand, trop haut. Ce géant, s'il chute une fois, il se brise quelque chose. Probablement son crâne, son cerveau coule bêtement par les fissures de son crâne et il est mort. Donc c'est pas une forme de vie adaptée à une gravité un peu importante. Donc on peut dire ce que ça n'est pas, essayer de serrer ce que ça n'est pas, et du coup laisser après l'imaginaire librement s'exprimer dans un cadre un peu plus contraint que la possibilité infinie de tout ce qui est possible. Et donc c'est là où ça peut être intéressant de discuter ces extraterrestres, non pas de ce qu'ils pourraient être, parce qu'après tout on ne sait pas s'il existe une vie extraterrestre. On a même peine à imaginer de la vie terrestre dans des endroits curieux. On a eu peine, qu'on pense par exemple au fond sous-marin. Quand on voit le blob, on se dit ce truc ça devrait pas exister, et pourtant c'est là, c'est du vivant. En le regardant, un néophyte et même peut-être un expert pourrait avoir du mal à le reconnaître comme vivant. Voilà, ces questions là de la représentation de l'extraterrestre, elles sont plus intéressamment posées dans le sens où on contraint l'imaginaire par des contraintes physiques de dire des choses, non pas c'est impossible, mais ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile, on a du mal à l'imaginer. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible en pratique. Audrey Dussutour, le blob, c'est donc l'objet, si j'ose dire, l'être vivant que vous étudiez. C'est un personnage de science-fiction au départ, non? Il y a un film de 1958 avec Steve McQueen qui s'appelle The Blob. Le blob, c'est la goutte, finalement. En réalité, quand on l'a vu pour la première fois, ça ressemble à une vieille omelette, hein, des yeux brouillés. Donc, ça, c'est pas très ragoûtant quand on voit le blob la première fois. Ni la deuxième. La deuxième fois, si on le laisse dans un placard et qu'on revient le lendemain, on voit déjà qu'il a doublé de taille et qu'il a rampé dans le tiroir. Et c'est là qu'avec mon collègue de l'époque, on s'est dit, ah, c'est marrant, ça nous rappelle le film Le Blob avec Steve McQueen. Donc c'est vous qui l'avez baptisé Blob? C'est comme ça, oui. Parce qu'il a un nom scientifique qui est très différent. Il a un nom qui s'appelle Physarum polycéphalum. Et ça veut dire quoi? Enfin, comment est-ce qu'on peut comprendre ce que ce mot indique? Alors, il faut revenir, en réalité, il faut expliquer un petit peu la classification du blob. Donc on a dit que ce n'était pas un animal, pas un végétal et pas un champignon. Il appartient au règne des amébozoaires. Donc les gens vont connaître plus facilement un organisme qui s'appelle l'amibe. C'est quelque chose qui nous embête des fois quand on part en vacances, par exemple. Un parasite. Ça fait partie du même règne, dans le règne des amébozoaires. Et dans ce règne des amébozoaires, il y a une classe qui s'appelle les myxomycètes, ou champignons gluants. Et c'est là qu'on va retrouver Physarum polycéphalum. Bien qu'il ne soit pas un champignon. Bien que, oui, parce qu'il a gardé, il faut savoir que c'est comme l'art, la science, on paye notre histoire aussi, et du coup, on a des noms qui vont rester, comme ça, on ne va pas changer les noms juste parce qu'on a changé de classe. Parce que dans l'histoire, il a quand même pas mal oscillé dans la classification du vivant. Voilà, alors la première description, c'est 16e siècle, et on pense que c'est une plante, parce que les couleurs sont assez chatoyantes, on va en avoir des jaunes, des rouges, des roses. Finalement, après, très vite, il va être pris pour un champignon et il va rester dans le règne des champignons jusqu'en 1970. Et c'est qu'en 70 qu'il y a quelqu'un qui dit « mais quand même, il ne mange pas comme un champignon ». Et c'est qu'en 70 qu'on va le mettre dans un règne qu'on a appelé protiste, qui a été abandonné, qui est un règne fourre-tout. Dès qu'on ne savait pas ce que c'était, on mettait là-dedans. Et c'était souvent des organismes unicellulaires. Et ensuite, c'est que finalement en 1997 qu'on l'a mis dans le règne des Amébozoaires. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des blobs, et je crois qu'il en existe encore, où est-ce qu'on les trouve ? Alors les blobs, on les trouve sur Internet, mais à part Internet, sur Internet. Dans la nature. On peut les acheter sur Internet. On peut les acheter sur Internet, j'ai lu ça. On peut en acheter sur Internet. On peut en acheter. Pour quelques dizaines d'euros. 40 euros. 40 euros pour en un blob. France, voilà, 40 euros. Ça se trouve sinon en forêt, surtout dans les milieux tempérés. Alors il faut qu'il ait plu, c'est dans des milieux humides, ombragés. Il faut fouiller sous la litière des feuilles, c'est là où on va en trouver. Donc il faut chercher quelque chose de là. Ça peut varier de 1 cm carré à plusieurs centimètres carrés. La taille record étant 10 mètres carrés enregistrés au Guinness des records. 10 mètres carrés. Une cellule. C'est un grand corps. Et c'est une cellule. Une seule cellule. Bon, ça interroge, en effet. Comment est-ce que ça fait pour manger un blob, sachant qu'il n'a pas de bouche ? Alors, c'est là où il se différencie des champignons. Le blob mange par phagocytose, c'est-à-dire qu'il va engouffrer la nourriture dans sa membrane et l'incorporer à l'intérieur de la cellule. Et là, il va y avoir des enzymes qui vont digérer la nourriture. Et après, il va excréter le reste par exocytose. C'est-à-dire qu'il va réouvrir sa membrane. Et... Exocytose, ça veut dire Exocytose, c'est quand la membrane s'ouvre et que vous laissez sortir un peu les éléments dont vous ne voulez pas. Non, mais je pose la question parce que je vois bien que vous en voyez tous les jours, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Et donc, on essaie de s'imaginer cette bête qui Alors, est plate en général. Pour imaginer, si vous prenez un blob de 20 cm carrés, vous lui donnez 3 champignons de Paris, le lendemain, il n'y en a plus. C'est entièrement digéré. Et sa surface a doublé ? Il fera 40 cm carrés. C'est mais comme le blob. Donc, le nom du blob est bien trouvé par rapport à ce film de 58. On voit une espèce exactement. De masse gélatineuse qui roule, qui se déplace là, mais dans le au film, sens macroscopique, comme exactement. Quelqu'un qui roule, alors que le blob, là, il est tout plat. Enfin, il est tout plat, il a une épaisseur, mais il ne roule pas. Il roule presque. Il a un système pour... Il rampe, mais c'est un système assez unique. Il faut connaître un petit peu de mécanique des fluides. En réalité, dans la cellule, si on regarde de près, on va voir que le blob est parcouru d'un système veineux. Dans ses veines coule plus ou moins le sang du blob, le cytoplasme de la cellule, et c'est par la contraction de ses veines, par des fibres musculaires, qui pousse le liquide et qui fait rouler la membrane. Donc en fait, il fait un pas dans une direction, puis un demi-pas dans la direction exactement. Inverse, et globalement, il avance. Il avance. Il avance avec une vitesse record que vous indiquez dans votre livre. 4 cm à l'heure. Et pour ça, il faut qu'il ait faim. Qu'il est extrêmement faim, c'est quand il est très affamé. Et au laboratoire, vous leur donnez à manger des flocons d'avoine ? Oui. Il n'y en a pas dans la nature, en tout cas pas directement accessible. Non, dans la nature, c'est un prédateur de bactéries. Qu'est-ce qui fait que cet aliment lui convient bien ? Est-ce que... Alors, je ne sais pas, parce que ça apparaît dans une publication dans les années 60. On ne sait pas qu'est-ce qu'a fait le chercheur à l'époque. Est-ce qu'il a partagé son petit déjeuner avec le blob ? On ne sait pas. Mais en réalité, c'est maintenant comme ça qu'il est élevé dans tous les laboratoires, avec des flocons d'avoine. Mais en réalité, ce qu'il mange, c'est surtout la flore bactérienne qu'il y a sur les flocons d'avoine. Qu'il affectionne particulièrement. Il y a un chercheur japonais qui s'appelle Nakagaki, je crois, qui a eu deux fois le Ig Nobel. Oui. Le Ig Nobel, c'est une sorte de faux prix Nobel qui est donné à des travaux qui sont scientifiques et en même temps un peu loufoques. Sauf que lui a fait des études sérieuses. Il a eu deux fois, c'est quand même un record, je crois que c'est le seul cas. C'est le seul à l'avoir. Il y a aussi un chercheur qui a eu le Ig Nobel et le vrai Nobel. C'est encore plus difficile. Et qu'est-ce qu'il a démontré ? Que les blobs sont capables d'avoir une vie intellectuelle, au sens où ils sont capables de résoudre des problèmes ? C'est ça. Le premier article, il faut dire qu'il a eu le prix Nobel, mais c'est quand même publié dans la revue Nature. Il a montré que le blob était capable de trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Ça, c'était son premier prix Nobel. Le deuxième prix, c'est comme il a un réseau veineux, chaque fois qu'il rencontre des sources de nourriture, il va connecter ses sources de nourriture avec son réseau veineux. Et du coup, ce qu'a fait Toshi, c'est qu'il a reproduit une carte du Japon avec des flocons d'avoine. Donc, chaque ville était représentée par un flocon d'avoine. Et il a regardé le réseau qu'avait fait le blob et il l'a comparé au réseau ferroviaire japonais. Et il a montré que le blob était meilleur à planifier des réseaux. Et il a publié ça dans Science. Et il a eu le prix Nobel. Oui, alors je comprends pourquoi il l'a eu. Mais est-ce qu'il a compris comment le blob effectuait ce choix ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un biophysicien. Et donc, il a écrit des algorithmes. Il a carrément traduit le comportement du blob en mathématiques, et il a montré que c'est par des systèmes de minimisation, c'est de la mécanique des fluides, et donc en fait, chaque fois, le blob va essayer de minimiser ses trajets, parce que c'est coûteux à chaque fois pour lui de construire une veine, et donc il va tenter de minimiser à chaque fois. Mais c'est un peu le problème du voyageur de commerce. Exactement. On pourrait suggérer à la SNCF de redimensionner son réseau à partir des résultats obtenus par un blob qu'on aurait posé sur la carte de France. Ça pourrait être vrai aussi pour les lignes de transmission électrique EDF, par exemple. Dès qu'il y a un réseau de transmission d'informations, d'énergie, ou d'électricité, ou de quelque chose, de transport, on pourrait imaginer l'optimiser avec un blob. Il y en a pas mal qui l'ont fait. Ouais, mais c'est de la science-fiction. Ouais. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Roland Lehoucq, est-ce que vous saviez, vous, ce que sont les blobs ? Alors, je le savais, oui, parce que j'avais eu le plaisir de lire le livre d'Hôtel du Soutour sur que j'aurais dû citer, qui s'intitule « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander ». Exactement. Et donc, quand j'ai vu ce livre sortir, moi, immédiatement, je l'ai acheté, évidemment, parce que le blob, ça évoquait quelque chose pour moi. Et puis, du coup, j'ai découvert cet être absolument incroyable et qui, effectivement, est bien nommé. Pour le coup, l'être du film... Alors évidemment, il ressemble pas à l'être réel, mais n'empêche qu'il y a un certain nombre de propriétés communes. Et moi, j'ai adoré apprendre plus sur cet être bizarre, parce que ça, finalement, ça nous montre que ce qu'on connaît du monde, alors du monde physique que je connais mieux, est toujours en perpétuel recommencement ou transformation. Et il y a toujours des questions extrêmement intéressantes qui se posent sur le monde. Si on pense à des choses curieuses comme ce que nous raconte la physique quantique sur le monde microscopique ou les astrophysiciens sur le monde macroscopique. Mais là, il y avait aussi dans le vivant, évidemment, des tas de choses curieuses, et on est bien loin de, avant même de connaître s'il y a des extraterrestres ailleurs sur notre planète, ce qui serait quand même une formation extrêmement intéressante si la réponse était positive. Mais enfin, si on savait répondre par la négative, ce serait aussi stupéfiant. Si nous savions que nous sommes les seules intelligences dans l'univers, ça serait tout aussi stupéfiant comme réponse. Enfin, au final, sur Terre, il y a des choses à faire, il y a énormément de choses à faire. Et moi, j'avais vécu plus jeune, dans les années 75, je crois, quelque chose comme ça, la découverte de toute cette faune océanique des abysses près des fumeurs noires, où ça avait été vraiment une révélation. Les gens étaient sidérés qu'il existe une vie aussi incroyable dans des endroits où on pensait qu'il n'y avait rien, parce qu'il était impossible, entre guillemets, qu'il n'y ait rien. Et donc, ce blob, pour moi, ça a été pareil. Alors, comme néophyte vraiment en biologie, c'était une révélation. Il y a encore des trucs vraiment incroyables dans le vivant terrestre. Mais est-ce qu'on peut dater l'apparition des blobs ? Alors, phylogénétiquement, ça serait autour de 1 milliard d'années. Donc, c'est avant les champignons et les animaux. Mais bon, c'est... Mais il n'a pas évolué. Il évolue, mais comme tout organisme, mais extrêmement lentement, puisqu'on a le plus vieux fossile, il a 14 millions d'années, et on voit qu'il n'a pas beaucoup bougé depuis 14 millions d'années. Excusez la naïveté de mes questions, mais ça ressemble à quoi, un fossile de blob ? Alors, c'était des spores. Parce qu'il faut savoir que le blob, le cycle de vie du blob est assez exceptionnel. Donc, ce qu'on appelle le blob, nous, sur ce point, on travaille, la grande cellule, c'est un petit peu la phase adolescente de l'organisme. En réalité, en fait, à la suite, il va sporuler, comme les champignons, et il va rentrer en reproduction sexuée. Mais il a aussi, dans son cycle, une petite aberration qui est plutôt pratique pour lui. Il peut sécher. Il peut rentrer en dormance pendant quelques années et rester ainsi, sans manger, sans rien. Vous pouvez le mettre au micro-ondes, il n'y a pas de souci, ça résiste. Donc c'est une forme de dormance extrêmement résistante. Et cette forme de dormance, quand vous lui remettez un petit peu d'eau dessus, ça va repartir. Mais ce qui est absolument génial, c'est que quand le blob se réveille, il rajeunit. Voilà. Il rajeunit, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous avez une cellule, comme n'importe quel organisme vivant, vous prenez un blob, vous l'avez au laboratoire depuis 4 mois, il va commencer à montrer des signes de faiblesse. Il va attraper des infections, il va moins grandir, il va avoir des signes de vieillesse. Si vous le faites sécher et que vous le gardez 1 ou 2 mois sec, vous le ravivez, il revient jeune. Donc son système immunitaire est meilleur ? Alors, ce serait un système... Alors, le vieillissement cellulaire, c'est le raccourcissement. C'est dû surtout au raccourcissement des chromosomes à chaque division cellulaire. Et donc, pour le blob, c'est pareil. Ces chromosomes se raccourcissent à chaque division des noyaux. Mais on ne sait pas quel est le mécanisme. Mais à chaque fois qu'on le fait sécher, ça rallonge. Est-ce que c'est de la... J'imagine que ça... Il est digne d'aller dans les premiers voyages interstellaires, comme les tardigrades, finalement. C'est une manière... Est-ce que ça ressemble à la cryptobiose des tardigrades, finalement ? Ça, c'est... Exactement. Il a une forme de résistance qui ressemble beaucoup aux tardigrades. Ça, c'est bon. On les envoie dans un vaisseau interstellaire, ils voyagent 100 ans et ils repartent... Alors que pour les humains, en les faisant sécher, ça ne marche pas, en général. Mais j'imagine que ça intéresse les chercheurs, cette propriété que vous avez découverte. Oui, c'est en projet. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter les fourmis pour les blobs ? C'est quand même une sorte de saut quantique. Pas quitter les fourmis. Je travaille toujours sur les fourmis. En fait, c'est comme toujours en science, c'est le hasard d'une rencontre. Et donc, quand je travaillais en Australie à l'époque, j'entends parler du blob. On était sur un travail de nutrition à l'époque sur les fourmis. On se dit, ça serait super de le faire au niveau cellulaire. Et donc, il nous fallait une cellule qui soit facilement observable à l'œil nu. Et il n'y en a pas beaucoup, des cellules qui sont observables à l'œil nu. Et on avait déjà entendu parler du blob grâce à Toshiaki Nakagaki et ses travaux, qui étaient quand même assez populaires à l'époque. Du coup, on s'est procuré un blob et c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. Et finalement, après, je l'ai ramené en France quand j'ai été recrutée au CNRS. Et puis, je ne l'ai jamais quitté. Et donc, vous l'avez mis dans une valise ? Exactement. Enfin, voilà, je l'ai fait sécher, je l'ai gardé dans un livre. Ah oui, on peut le faire sécher, mais dans un livre, ça passe la douane tranquille, sans du coup. Problème. C'est pas, ouais, j'ai un blob. On devrait pas le dire, ça. Ouais, j'ai un blob dans ma valise. Oh là là, non, vous passez pas les. Il est tout sec, il se passe. En fait, il se passe ça. Ça ressemble à rien, du coup, les gens, ils savent pas ce que c'est. Ça... Mais est-ce que vous pouvez dire que les blobs ont un corps ? Est-ce que ce sont des individus ? J'ai vu qu'ils pouvaient se cloner. Alors, philosophiquement, c'est clair que ça questionne. Ils peuvent se couper en deux. C'est ça. Ça questionne parce qu'on a une seule cellule. Mais il faut être précis, cette cellule n'a pas un seul noyau, mais elle peut en avoir plusieurs millions. Elle démarre avec un noyau, mais ensuite on a des mitoses successives qui font que la cellule va grandir au fil du temps, mais elle ne se divise pas comme chez nous. Donc on va avoir une cellule polynucléée. Et donc cette cellule, une fois qu'on la, si on la coupe en deux, on a deux blobs autonomes, parce qu'il a le matériel génétique qui est dans les deux cellules. Et si ces deux cellules, vous les reprenez, vous les mettez côte à côte, elles peuvent refusionner. Donc chez le blob, ça fait 1 plus 1 égale 1. C'est un peu compliqué au niveau de la notion d'individualité. Qu'est-ce qui est un individu ? Est-ce que quand on le sépare, on a deux individus, mais si on les remet ensemble ? Donc nous, on a beaucoup joué avec ça pour les... Parce que... Mais vous leur donnez des petits noms ? Des petits noms. Ils ont des noms, vos blobs ? Oui, on a des souches, disons. On a des blobs d'origine différente. Donc on a... D'origine, je veux dire géographique différente. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pareils selon les blobs australiens ? Que vous avez ramené d'Australie, le blob, un blob couleur, ils français mangent ou pas pareil, ils ont plus ou moins d'appétit. On a un blob japonais, un blob américain et un blob australien. C'est des souches. Donc. Et on travaille dessus, on fait du comportement dessus. Et on s'est aperçu, la première chose, c'est que quand le blob américain, on l'a commandé, il n'a pas voulu manger l'avoine bio qu'on avait au laboratoire. Oh, c'est un américain, ça. Et c'est réel, c'est pas un canular. Il voulait du Quaker. Donc ils ont. Alors. Et ensuite, on s'est aperçu que le blob américain mangeait le blob japonais. Hein. La revanche de Pearl Harbor. C'est la revanche de Pearl Harbor. La revanche de Pearl Harbor. Et du coup, bon, clairement, ils ont des comportements différents. C'est ce qu'on appelle de la plasticité phénotypique, c'est-à-dire que vous avez une même espèce, des individus différents avec des comportements différents. Il y a un nationalisme chez les blobs ? Non. En réalité, en plus, ils viennent de ces pays-là, mais on n'a qu'un individu de chacun de ces pays. Donc, on ne peut pas savoir si ça représente... toute la population. Alors, puisque le sujet des utopiales cette année, c'est le corps, est-ce que vous pouvez nous parler de la sexualité des blobs ? J'ai pas tout compris. J'ai compris vous que... Vous vraiment pensez que c'est un canular ? Non, alors, j'ai compris que c'est un assemblage de 5 gènes qui détermine leur sexe, et il y a 720 sexes différents. C'est ça. Il a 720 types sexuels. Et comment est-ce qu'on passe de 5 à 720 ? Alors, c'est une histoire de combinatoire. C'est pas aussi simple que 5 fois 5 fois 5 fois 5. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça fait 625. Voilà, c'est ça. Ça marche pas comme ça. C'est des histoires, parce qu'il y a des histoires de probabilité au départ. C'est-à-dire que... C'est comme chez la sexualité des champignons. Là, vous essayez d'expliquer avec vos mains. Ouais, j'essaie de suivre. Ouais, alors, il voit pas la radio. Mais j'ai... C'est-à-dire que la sexualité des champignons, c'est notre idée. Il faut imaginer qu'en fait, le sexe est codé génétiquement donc sur un chromosome. Donc, c'est un assemblage de 5 gènes. Et selon la combinaison de ces 5 gènes, on va avoir un sexe particulier. Et un blob ne peut pas se reproduire avec un blob qui est du même sexe que lui. On va faire la chose. Mais c'est très fréquent chez les unicellulaires. Enfin, chez nous, ça nous paraît complètement aberrant, 720. Mais en réalité, il y a des ciliés qui ont 1000 types sexuels différents. Son cousin, Dictyostelium, qui est un modèle très connu en biologie, il en a 3. Tétrahymena, il en a 7. Enfin, nous, on a l'impression, parce qu'on est bloqué sur les animaux, qu'il y a deux sexes, deux genres. Mais en réalité, la plus grande biodiversité elle est dans les unicellulaires. Et là, vous avez... Alors dans le film que j'évoquais, The Blob de 1958, le blob qui a une origine extraterrestre colonise la planète, mange des humains, etc. Pourquoi est-ce que le blob qui se reproduit si facilement n'a-t-il pas colonisé la planète ? Parce qu'il est fragile quand même. Il est immortel et fragile. Voilà. Il a une forme de dormance, mais pour rentrer en dormance, ça prend 3 jours. Donc s'il lui arrive quelque chose pendant ces 3 jours, alors il peut souffrir d'un manque d'humidité, d'une trop forte température ou d'une trop basse température, et surtout il a des prédateurs, comme tout organisme vivant, il fait partie du cycle de la vie, et il est donc son plus redoutable prédateur est la limace. Alors quand il y a une rencontre entre une limace et un blob, il se passe quoi ? Alors c'est assez alors il a quand même des moyens de défense, mais bon, il est quand même pas très rapide, 4 cm à l'heure, même une limace, si c'est pas très rapide, c'est... Mais en réalité, elle le dévore, mais il sécrète aussi une substance qu'on n'a pas encore identifiée, mais qui a un peu comme un anesthésiant, qui fait qu'il bloque un petit peu la limace et qui fait qu'il a tendance à pouvoir s'échapper un petit peu quand même. Est-ce que la science-fiction, Roland Loup, s'est intéressée au blob ? Ben, elle a créé le blob. Mais est-ce que depuis que c'est devenu... Alors, je ne crois pas que l'être réel ait servi d'œuvre de fiction déjà. Enfin, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, ça pourrait. C'est-à-dire que ça a des... En poussant, en accélérant le rite du blob, en le rendant peut-être moins sensible, on pourrait faire un être quand même assez stupéfiant qui pourrait quand même rester en dormance et puis réapparaître plus tard derrière les lignes. Imaginez, vous voulez envoyer le monde des blobs, et ben, ils se mettent en dormance, ils laissent passer les troupes et puis ils se réveillent derrière et voilà, c'est fichu pour vous. Donc le blob pourrait faire des voyages interstellaires parce qu'il résiste à des choses incroyables et sur des durées extrêmement grandes, un peu comme les tardigrades, une autre... Alors là, c'est plus des petites bestioles qui font plutôt un dixième de millimètre, mais qui sont des petits oursons d'eau. Et ces tardigrades, ils ont été montrés capables de résister à des conditions extraordinairement rudes, ou qui auraient été rudes pour des cellules humaines ou pour l'humanité, pour un être humain. Et de la même façon, il y a des soucis, tout un tas de cellules et d'êtres qui sont extrémophiles, de cellules extrémophiles, qui survivent à des salinités extrêmes, des acidités extrêmes, des températures extrêmes ou des conditions de rayonnement extrêmes. Et donc voilà, il y a des êtres incroyables qui ont des super pouvoirs. Enfin, si on voulait prendre fil à la métaphore jusque dans les super héros, ont des super pouvoirs. Ce qui pour nous humains ou disons mammifères de base apparaît comme des super pouvoirs. Et on pourrait mettre ça en scène en les poussant, en les adaptant à des humains. Alors on pourrait peut-être imaginer un croisement génétique subtil, compliqué d'un savant fou entre un blob et un humain pour en faire quelqu'un de résistant à beaucoup de choses ou capable de faire des choses que l'humain évidemment normal ne sait pas faire. Audrey Dussitour, est-ce qu'on a le droit de considérer que le blob, c'est une sorte de chaînon manquant ? Et si oui, entre quoi et quoi ? C'est pas réellement un chaînon manquant en tant que tel, mais il est à la bordure de l'unicellularité, de la multicellularité. Parce qu'on a une cellule qui n'a pas un noyau, elle en a plein, donc c'est quand même comme un organisme multicellulaire, sauf que il n'y a pas eu la cytodiérèse, c'est-à-dire la séparation des membranes. Donc on est un petit peu, il faut penser qu'il y a 1 milliard d'années, il n'y a que des organismes unicellulaires, et donc c'est les tout premiers essais, plus ou moins, à la multicellularité. Et donc lui, il fait partie d'une de ses possibilités, c'est de grandir. Alors pourquoi on est allé, pourquoi le blob en fait a choisi, en fait, entre guillemets, a évolué vers ce système et pas un autre, ça c'est les accidents d'évolution, on ne pourra jamais... parvenir, on ne peut pas faire l'histoire en arrière. Mais si on regarde en fait son cousin, qui est Dictyostelium discoidum, qui est un autre type de blob, ils ont le même nom en anglais, lui, il a aussi fait un essai à la multicellularité. Donc lui, il est unicellulaire et mononucléé, donc il n'a qu'un noyau. Et donc en fait, quand il se divise, il forme plein de petites amibes. Mais quand les situations sont difficiles, ces amibes vont s'agréger et former un organisme multicellulaire. Donc chez ces amébozoaires, on a pas mal d'exemples comme ça d'organismes qui sont entre l'unicellulaire et le multicellulaire. Ça ressemble un peu, cet organisme dont vous parlez, aux super-organismes, comme il y a les siphonophores, enfin des êtres exactement incroyables qui sont individués et en même temps se spécialisent, alors qu'ils sont êtres individués, se spécialisent dans des fonctions particulières d'une super-colonie. Exactement. Et chez Dictyostelium, il y a vraiment ces petites amibes vont se spécialiser. Unes vont faire le tube digestif, unes vont faire le... Quand ils vont se pourler, il y en a 20% par exemple qui vont se sacrifier. Ça, c'est des exemples de science fiction terrible, donc, quoi, des extraterrestres qui s'adaptent à leur environnement, quoi, complètement. Il doit y avoir un très grand nombre d'espèces de blobs, du coup. Alors, il y a 1000 espèces de myxomycètes connues, mais 10 000 estimées. Comment, à partir du nombre connu, on peut estimer le nombre qui reste Alors, à connaître? Alors, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui travaillent dessus. Et les taxonomistes, c'est des collectionneurs, c'est des amateurs, ce ne sont pas forcément des chercheurs qui travaillent sur les myxomycètes, qui les collectionnent. Et ils estiment que, vu la partie du territoire qui a été un petit peu explorée, et qu'on en connaît 1000 à l'heure actuelle, ils estiment qu'il y en aurait au moins 10 000. Parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart sont tout petits aussi, qu'on ne les voit pas, et qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent. J'ai lu qu'il y avait un blob dont la surface était celle de la ville de Monaco, 1 km². Alors, en réalité, c'est qu'ils ont trouvé dans les Appalaches plein de morceaux de blobs qui étaient tous génétiquement identiques et qui couvraient en effet, mais ils n'étaient pas une seule cellule. C'était plein de morceaux, mais c'était le même blob, mais partout. Même, ça veut dire génétiquement le même. Exactement. Voilà. Alors là, on a fait un voyage dans le temps en racontant la naissance des blobs, enfin le milliard d'années qui nous sépare de leur première apparition. C'est l'occasion de faire un petit détour dans l'espace par un voyage qui s'impose, Space Oddity de David Bowie. found control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. And I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Du Sutour, c'est vous qui avez choisi David Bowie pour illustrer notre propos de cette conversation scientifique enregistrée en public aux Utopiales de Nantes. Il y a une raison particulière ? Alors, j'aime beaucoup David Bowie et cette chanson, c'est sur un voyage dans l'espace et c'est aussi sur les gens qui sont parfois un petit peu différents. Et j'aime bien cette chanson. Vous aimez les choses étranges, c'est ce voilà, qui vous a attiré dans le blob. J'ai toujours été attiré par l'étrange. Alors, les blobs, c'est assez étonnant, mais ils sont capables d'apprendre alors qu'ils n'ont pas de neurones. Oui, alors à quoi ça ressemble un cours d'apprentissage chez les blobs ? Il faut leur apprendre. Ça, c'est une découverte qu'on a faite en 2016 et qui a pas mal bouleversé quand même un petit peu le domaine des sciences cognitives, puisque c'était la première fois qu'on démontrait qu'une cellule était capable d'apprendre sans système nerveux, parce que par essence, par définition, quand vous n'avez qu'une cellule, vous n'avez pas de système nerveux. Et alors, ce qu'on a appris au blob, c'est on lui a appris à ignorer quelque chose qu'il n'aime pas. C'est ce qu'on appelle un processus d'habituation. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire, nous, au quotidien. Par exemple, si vous habitez près d'une voie ferrée et qu'il y a le train qui passe tous les jours, au bout d'un moment, vous allez vous y habituer, vous ne l'entendez plus. C'est un phénomène d'habituation. Et donc, nous, on a appris au blob à s'habituer à des substances chimiques qu'il n'aime vraiment pas du tout. Donc, on avait testé la quinine, la caféine, le sel. Et donc, on a démontré que le blob était capable d'ignorer ces molécules et de pouvoir passer dessus comme si elles n'étaient pas là. Mais ça suppose une certaine forme de mémoire. Exactement. Et récemment, dans un article qui va sortir dans moins d'un mois, on a démontré qu'en plus, cette mémoire, il pouvait la garder plus d'une année, parce qu'il pouvait la garder en stade de dormance. Alors, la mémoire en stade de dormance, ça veut dire qu'on peut dire après coup, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais de la mémoire. Exactement. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre quelque chose à un blob, le faire sécher, et quand vous le ravivez, il s'en rappelle. Parce que c'est ça, le faire sécher, ça le rajeunit. Donc c'est quand j'étais plus vieux et maintenant que je suis jeune, je me rappelle qu'il fallait piger ce truc. C'est ça. Pas toucher le feu parce que ça brûle ou ignorer ça. Oui, donc c'est assez extraordinaire. Mais alors là, ils apprennent des choses, c'est ce que vous expliquez, mais est-ce qu'ils sont capables de l'apprendre, de l'enseigner plutôt à d'autres ? Voilà, alors c'est ce qu'on a, ça c'était notre deuxième découverte, c'est qu'une fois qu'on a appris un blob, on peut le faire fusionner avec un blob naïf et il va lui transférer son apprentissage. Et on a montré qu'un blob qui a appris pouvait transmettre jusqu'à 4 blobs naïfs, sans problème. Et qu'est-ce qui empêche d'aller au-dessus de 4 ? C'était beaucoup de travail. Alors, parce qu'il faut savoir qu'en recherche, quand on fait un résultat comme ça, on a entraîné pour cette expérience 4000 blobs. L'entraînement, il dure 9 jours. Alors, quoi consiste l'entraînement ? C'est alors présenter ses substances ? En réalité, l'expérience, comment elle se déroule ? Le blob doit traverser une zone pour trouver sa source de nourriture, qui est donc un flanc d'avoine. Et dans cette zone, on va mettre cette substance répulsive. Et donc, ce qu'on regarde, c'est le temps de traverser de la zone, comment il la traverse, etc. Et on voit que plus on lui demande de faire cette tâche, et plus il s'habitue, et plus il va vite, et plus il traverse la zone sans aucun problème. Et ça vous a surpris, ce résultat ? Vous attendiez à ce que l'apprentissage soit possible chez les unicellulaires ? Honnêtement, je n'étais pas surprise, parce qu'il y avait déjà donc les travaux sur les labyrinthes, sur les réseaux. Toshi avait aussi montré que le blob pouvait anticiper des événements. Du coup, je n'étais pas surprise. Sur le transfert d'apprentissage, non plus. Mais j'avoue que le fait qu'il ait gardé en mémoire pendant plus d'un an, là par contre, ça m'a surpris. Je pensais qu'on faisait vraiment ce qu'on appelle un reset quand on faisait sécher le blob, mais il s'avère qu'il y a des choses qui restent. Roland Louk. Des choses qui restent, oui. Et donc, oui, le transfert d'apprentissage, il se fait par fusion des blobs. C'est ça. Il suffit de les. Ils n'en font plus qu'un à deux, ils n'en font plus qu'un. Exactement. Et celui qui savait. Alors, voilà. Mais c'est dans ce bon sens-là, c'est pas celui qui ignorait, rend l'autre ignorant. Oui, c'est ça. Il rend pas l'autre. Ça aurait pu être une annulation. C'est quand même une forme de pédagogie assez radicale. Ah oui. Non. Et alors, et l'information n'est pas diluée, parce que si on met un blob et 4 blobs naïfs à la suite, donc on fait fusionner les 5, et qu'après on les sépare tous et on les teste de manière séparée, tout le monde a appris. Ça, c'est génial pour apprendre les maths. Il suffit qu'il y ait un gars qui sache des maths. Et lui serrer la main. Il serre la main et on se serre la main. Comme on faisait des électrisations, il fut un temps dans les foires pour montrer aux gens les merveilles de l'électricité, on se touche la main et tout le monde est électrisé. Là, tout le monde sait des maths en touchant, en serrant la main à Cédric Villani, crac, on sait des maths. La pédagogie par la poignée. Oui, par la poignée de main. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a une intelligence collective chez les blobs ? Parce que vous avez travaillé sur les fourmis qui sont connues pour cela. Est-ce que les blobs ont une intelligence sociale, disons ? En réalité, ce n'est pas un hasard, parce qu'on est dans le monde, on est 5 myrmécologues à s'être mis à travailler sur le blob. Et ce n'est pas une coïncidence. En réalité, le blob, il peut être vu comme un collectif de noyaux, comme un super organisme. Et la colonie de fourmis a été souvent considérée comme un super organisme. Et moi, tout mon doctorat, mon post-doctorat, et encore à l'heure actuelle, j'ai travaillé sur l'intelligence collective des fourmis. Comment les fourmis collectivement arrivent à résoudre des problèmes qu'elles ne seraient pas capables de résoudre au niveau individuel. Donc mes recherches, moi, elles ont été sur tout ce qui est trafic, embouteillage, et expliquer comment en fait les fourmis arrivent à résoudre des problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre, qui sont ces problèmes de trafic et de surdensité. Mais il y a plein de problèmes que les fourmis arrivent à résoudre de manière collective, par exemple la construction d'un nid. Il faut voir que les fourmis sont des architectes incroyables. Et pourtant, vous prenez une fourmi toute seule, elle n'est pas capable de faire ça, mais c'est une intelligence qui va émerger du groupe. C'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Et donc, on va le retrouver. Par exemple, les fourmis sont capables de choisir le chemin le plus court, sont capables de sélectionner une source de nourriture très, très riche. Tout ça sans comparaison des chemins, sans comparaison de la qualité des sources. Tout ça, ça vient du collectif, ça émerge du collectif. Et donc, cette intelligence qui n'est pas codée au niveau individuel, qui est codée finalement au niveau du collectif, ça rappelle beaucoup cette intelligence qu'on va retrouver chez le blob, qui est ce qu'on appelle une intelligence distribuée, puisqu'il n'y a pas de centre coordinateur à l'intérieur du blob, il n'y a pas de système nerveux qui va décider pour une action particulière. Et dans le cas des fourmis, est-ce que vous comprenez comment fonctionne cette intelligence collective ? Chez les fourmis ? Oui. Alors, chez les fourmis, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la modélisation mathématique. Donc, pour vous expliquer comment on fait une expérience, moi, je travaillais donc sur les problèmes d'embouteillage. Donc, ce que je fais, c'est que je monte la densité au maximum sur des routes. Et donc, je vais compter le nombre de fourmis qu'il va y avoir sur la route, la densité, etc. Et après, au niveau individuel, je vais compter tous les contacts entre fourmis et le résultat de ces contacts, le résultat de ces interactions. Et ensuite, par la modélisation, je vais essayer de faire le lien entre ce que j'observe au niveau des règles de priorité au niveau individuel et voir si je suis capable de reprédire le collectif. Donc c'est un processus qui est un petit peu compliqué, mais on voit que les fourmis, elles ont un système qui est tellement éloigné du nôtre. C'est un système qui est un petit peu anarchique. Elles réagissent à des interactions qui sont locales. Elles vont réagir à la fois. Alors que nous, notre trafic, il est établi par des règles qui sont fixes. Et c'est ce problème de flexibilité que nous, on a. Et chez les fourmis, elles ont résolu ça. Elles sont extrêmement flexibles. Et ce qui fait qu'elles n'ont jamais, jamais de problème d'embouteillage. Même si vous augmentez la densité à des densités que nous ne pouvons pas tolérer. Mais est-ce que c'est transférable, Audrey Dussutour, à nos situations d'automobilistes? Est-ce qu'on peut imaginer... Non, avec la voiture autonome. Un assouplissement des règles qui ferait que la fluidité serait meilleure. Alors, avec l'avènement de la voiture autonome, si on code des règles fourmis dans les voitures autonomes, mais ça veut dire que tout le monde va suivre, accepter d'être dans une voiture autonome, on pourrait en effet peut-être fluidifier le trafic. Et les règles blob, elles ont aussi un intérêt pour les voitures, les déplacements ou parce que pour les fourmis, on voit bien, même tout petit, j'avais fait ça avec mes enfants, on met un petit tas de sucre ici, pas loin de la sortie de la fourmilière et pas longtemps après, il y a une autoroute à fourmis. Oui, en ligne droite, elles sont à fond en ligne droite. Elles utilisent des phéromones pour se signaler. Alors chez le blob, il y a aussi beaucoup de travaux en algorithmique, mais c'est surtout sur le réseau. Mmh. En fait, ce qui fascine les physiciens, c'est ce réseau parce qu'il est extrêmement optimisé et surtout, il ressemble à s'y méprendre au réseau de vascularisation des tumeurs. Donc à l'heure actuelle, il y a une équipe en Allemagne qui étudie la morphogenèse de ce réseau chez le blob et qui le compare à la morphogenèse du réseau de vascularisation des tumeurs. Parce que dans le cas du blob, on peut l'observer, cette vascularisation. Exactement. Il n'y a qu'à le photographier. Les images qu'on voit qui ont tourné tout à l'heure, c'est des images en accéléré. On prend une photo tous les, je ne sais pas combien. Toutes les 5 minutes. Et on roule ça vite et on voit se faire les choses comme en accéléré, mais alors qu'on a le temps de voir les choses. C'est pas la vasculation dans une tumeur à l'intérieur d'un corps, évidemment, pour l'observer en continu, c'est pas si facile. Exactement. Mais pourtant, les problèmes physiques derrière cette morphogenèse sont les mêmes. Et du coup, c'est pour ça que le blob est un bel exemple. Mais quelles sont les disciplines scientifiques qui s'intéressent au blob? Les biologistes, évidemment, mais pas seulement. Alors, très peu de biologistes, finalement. Assez peu. Et la plupart sont des biophysiciens. Parce que, d'une part, ce réseau et aussi ce système oscillatoire. Le blob est animé d'oscillations, de contractions musculaires. Et donc, les gens essayent de comprendre comment ceci se synchronise dans des réseaux qui sont finalement très complexes. Alors, je vous encourage à regarder sur Internet des photos de blob. Vous allez voir le réseau, la vascularisation. C'est vraiment une vascularisation extrêmement complexe. Or, tout est synchronisé, toutes les contractions, pour que cet organisme avance vers une direction particulière. Donc, ce qui vraiment fascine les physiciens, c'est comment ces oscillations se synchronisent entre elles. Il semble qu'il y a un pilote dans l'avion. Voilà, exactement. C'est un peu comme les vols des tourneaux aussi, enfin, tous ces problèmes d'intelligence collective. Parce que c'est pas la même chose. Ce sont les bancs de poissons qui évoluent dans des directions cohérentes, en bloc. Exactement. Alors ils ont chacun que des règles locales finalement. Exactement. C'est encore un peu tout le monde obéit à des règles locales d'alignement. C'est-à-dire chez les bancs de poissons, ça va être je reste à une certaine distance du poisson, j'essaye de pas trop m'en éloigner, de pas être trop proche non plus. Mais finalement, je réagis qu'à 3 poissons et je n'ai pas du tout idée de la taille du banc, Oui, je peux comprendre que ça fascine les physiciens, évidemment, parce qu'ils s'intéressent au problème de localité. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, il y a une direction, mais il n'y a pas d'intention générale qui porte le mouvement. Et pourtant, ça marche. Oui, je peux comprendre que ça fascine les physiciens, parce qu'effectivement, il y a des questions dans les transitions de phase, dans les changements d'état, il y a des problèmes entre ce qui se passe localement et globalement. Et puis, si on pense à la mécanique quantique, le réalisme local en mécanique quantique a été battu en brèche depuis les années 80, maintenant, franchement, avec les expériences d'Alain Aspect. Donc, ça pose des questions. Il y a de la non-séparabilité dans les blobs. Il y avait de l'intrication dans les blobs. L'intrication, peut-être, j'en sais rien. Bon, c'est des systèmes macroscopiques, faut pas généraliser et changer d'échelle à ce point. Mais en tout cas, au final, ça peut être, disons, exaltant intellectuellement, enfin, en tout cas, inspirant intellectuellement. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Roland Louk, Audrey Dussutour, nous sommes ici à Nantes aux Utopiales consacrées au corps. Est-ce qu'en tant que biologiste, vous avez des idées sur ce que va devenir le corps humain dans les années qui viennent? On a l'impression qu'on est à la croisée des chemins. On parle de cyborg, on parle de transhumanisme, on parle de modification du génome. Est-ce que ce sont des questions qui vous intéressent ou est-ce que vous avez l'œil rivé sur les blobs? Alors, je ne m'y intéresse pas, moi, personnellement, directement. C'est quelque chose qui m'intéresse plus du niveau cinématographique. En réalité, j'aime beaucoup, par exemple, regarder la série Black Mirror et imaginer ce que les réalisateurs prévoient qu'on va avoir des implants, des choses comme ça. Mais moi-même, je suis plus attirée par tout ce qui est intelligence artificielle, mais au niveau collectif, parce que c'est des choses qui vont se rapprocher. Et donc, tout ce qui est plutôt nanorobots, essaims de robots, plus que la construction d'un robot qui va nous ressembler. Et vous, Roland Louk, quand vous parcourez les allées des Utopies à la Nantes, que vous voyez comment les auteurs de science-fiction se sont emparés de cette question du corps, est-ce que vous avez une préfiguration de ce qui va se passer ? Alors moi, comme astrophysicien, je ne suis pas vraiment compétent sur la chose, mais en tout cas, en tant que lecteur de science-fiction, effectivement, l'idée que la technique puisse être intégrée dans le corps date depuis bien longtemps. Le mot cyborg, c'est cybernétique organisme, c'était une idée ancienne de modifier le corps humain par la technique pour le rendre capable d'évoluer dans l'espace, dans un espace extérieur, l'espace des fusées, l'espace des vaisseaux, qui est très hostile à l'humanité. Et donc, la transformation du corps par la technique, qu'elle soit mécanique, c'est-à-dire les implants d'objets matériels, métalliques, disons, dans le corps humain, ou la modification du corps humain, des autres solutions, c'est-à-dire la modification génétique, transformer l'humain pour en faire autre chose, qui est du coup plus tout à fait un humain, pour le rendre capable de survivre à des conditions extrêmes, qu'elles soient éventuellement terrestres, mais surtout spatiales, ou sur d'autres planètes. Évidemment, la science-fiction a traité toutes ces questions-là, a adressé toutes ces questions-là. Et bien sûr, maintenant, quand on voit les progrès de la médecine, commençons par ça, la médecine des prothèses, par exemple, que ce soit une prothèse de hanche, ça commence comme ça. On est d'une certaine manière un peu des cyborgs, des humains qui ont été modifiés par la technique non organique. Et on voit que les tendances, ça s'améliore. Enfin, on fait des choses de plus en plus pertinentes. On a ici l'INSERM, qui est un des partenaires scientifiques avec le CEA des Utopiales, montre des choses sur le bioprinting, la capacité à imprimer des tissus vivants. On voit qu'on va améliorer les capacités de réparation du corps humain abîmé. Et on va aussi peut-être arriver à des situations où on va volontairement abîmer son corps, peut-être, pour le remplacer et aboutir à un héros de ma génération, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme qui est transformé, réparé au point de devenir un surhomme. Qui fera ça? Pour quelles raisons? Ce sont des questions qui sont aussi adressées dans la science-fiction, qui sont intéressantes, parce que c'est aussi une humanité peut-être à deux vitesses. Ceux qui auront les moyens d'améliorer le corps, de le transformer, et puis ceux qui ne pourront que le réparer, éventuellement le réparer s'ils en ont les moyens. Est-ce qu'on va vers une situation où justement les techniques de réparation qui s'améliorent, comme vous l'avez rappelé, pourraient assez rapidement devenir des techniques d'augmentation des performances ? Alors ça, c'est encore une question que des biologistes ou des spécialistes du domaine répondraient, à laquelle ils répondraient bien mieux que moi. On peut s'en inquiéter, comme on peut s'inquiéter de plein d'autres objets techniques, de téléphones portables ou de numériques ou de données, de big data, comme on dit, qui pourraient aussi être des instruments de surveillance. Il y a toujours l'utilisation de la science et des techniques pour les choses les plus nobles, la réparation du corps humain. Ça, toute personne qui subit des dégâts importants dans son corps peut souhaiter et avoir envie d'être réparée, ce qui est tout à fait légitime. Et en même temps, des usages qui ne sont pas ceux qui étaient prévus initialement. Les physiciens ont bien connu ça pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu, à partir de recherches fondamentales concernant le noyau de l'atome, la structure élémentaire du noyau de l'atome, et que ces recherches ont été appliquées pour finalement aboutir à la bombe nucléaire, d'abord à fission, puis à fusion, mais aussi à la capacité à faire de la production d'énergie. Et puis maintenant, la médecine nucléaire, l'utilisation de ces rayonnements de haute énergie ou de noyaux particuliers qui permettent de tracer, de servir de traceur dans le corps humain pour faire de l'imagerie médicale ou pour faire des réparations, des soins du corps humain. Donc on voit que la science, elle est utilisée de plein de façons différentes. C'est la société qui décide pour partie ce qu'elle en fait, pas que. Mais la science-fiction, de ce point de vue-là, joue un rôle important en montrant, en mettant en scène ces conséquences du progrès scientifique et technique sur les humains, sur les sociétés. Alors parfois en outrant le propos, parfois en le déformant, au point qu'il en devienne peut-être pas si réaliste ou qu'il s'écarte du réel des laboratoires, du réel de la science en train de se faire, mais qui joue le rôle d'une vigie finalement, dit « Regardez, peut-être il pourrait se passer ça ». Alors bien sûr, on a mis sous la loupe, comme tout à l'heure je parlais du point de vue de Sirius, on met le point sous la loupe, on appuie où ça fait mal, au risque encore une fois de le dévoyer un peu par rapport au réel des laboratoires, n'empêche que cette science-fiction peut jouer le rôle de vigie, d'avertisseur, mettre en scène ces choses-là. Si on regarde la télévision, si on regarde ce qu'on peut lire sur Internet, on a l'impression que que le futur est laissé en jachère intellectuelle. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus du présent, de ce qui se passe, des informations, de l'actualité. Et du coup, une sorte de déficit de représentation du futur. Oui. Est-ce que la science-fiction vient occuper cet espace? Et la science-fiction occupe cet espace pour partie, bien sûr. Il y aurait d'autres façons de penser le futur. C'est les modes de discussion sur le futur, ça commence par la divination. Bon, qui est un mode qu'on qualifierait pas de rationnel, en tout cas, ou de scientifique, la divination, mais il y a la science-fiction, la prospective, la futurologie, voilà des modes de discours sur le futur qui ont des méthodes différentes, des procédés différents, mais qui tous essaient d'interroger ailleurs et demain, alors qu'on est collé lamentablement à ici et maintenant, et pour essayer d'ici et maintenant d'éviter le pire du demain et peut-être de faire des choses plus désirables, ou en tout cas d'éviter les choses les moins désirables. Donc en ce sens, la science-fiction est pour ça un outil intellectuel extrêmement puissant, je trouve, parmi d'autres. C'est bien sûr pas le seul, parmi d'autres. Et c'est aussi ce qu'on essaie aux Utopiales de faire prévaloir, l'usage de la science-fiction, comme on le disait au début, pédagogie du réel, en fait, pour essayer de mieux comprendre maintenant, en discutant du futur, en faisant ce détour par des futurs imaginés, fantasmés parfois, par ces mondes imaginaires, mais en essayant finalement de retomber sur le seul moment et le seul endroit qui compte, c'est ici et maintenant. Je voudrais que nous revenions au blob, j'arrive pas à m'en détacher complètement, Audrey du Tutour. On vient de parler des progrès de la médecine. Est-ce que, en regardant, en comprenant mieux la vie des blobs, on peut espérer faire des progrès en médecine? Alors, c'est vrai que c'est souvent la question qu'on pose, hein, quand on fait de la recherche fondamentale. La question qu'on va nous poser, c'est est-ce qu'il y a des applications possibles? Alors, certainement qu'il y en aura, mais la recherche fondamentale, il faut qu'elle prenne son temps. Moi, je suis vraiment une fervente défenseuse de la recherche fondamentale et je pense qu'il ne faut pas toujours y voir une application à court terme parce que c'est souvent là qu'on va être finalement, qu'on va se fermer. Il y aura forcément des découvertes. Il y a eu des découvertes qui ont été absolument fabuleuses, qui ont été faites chez d'autres organismes, comme Tetrahymena. C'est quand même chez Tetrahymena qu'on a découvert la télomérase et que les gens ont eu un prix Nobel, mais ça leur a pris 25 ans. Donc le blob, c'est vraiment un organisme qui est mis en lumière récemment. Donc clairement, on n'est pas à bout de nos surprises. Il y a cette capacité de régénération qu'on n'a pas encore comprise. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas chez le blob. Et c'est clair que le jour où on comprendra les mécanismes, par exemple, qui sont derrière la régénération, clairement, ça aura certainement des applications. Mais on ne peut pas faire d'hypothèse à l'heure actuelle. Il faut juste laisser le temps à la recherche. Non, mais justement, la recherche fondamentale, elle fonctionne pour son financement, par des projets. Il faut donc argumenter. Exactement. Et il faut toujours argumenter pour l'application, ce qui est quand même un petit peu dommage. Parce que la recherche, elle se fait à court terme. Je comprends bien, mais comment est-ce que vous-même vous argumentez pour vos projets à propos des blobs? Alors, moi, j'ai été financée donc, par l'Agence nationale de la recherche pour mes projets sur le blob. Et la curiosité scientifique derrière un apprentissage au niveau d'une cellule a été suffisante pour les convaincre de me donner un financement. Et je m'en réjouis. Je n'ai pas eu à tergiverser et faire de la science-fiction, pour le coup, pour obtenir des sous, parce que c'est un peu ce qu'on est poussé à faire maintenant. À faire des prédictions un petit peu hasardeuses. Ou dire des promesses. Voilà, des promesses. Et surtout comme sur des financements où on va être financé sur 3 années. Faut vous rendre compte qu'une recherche sur 3 années, c'est très court. Ça passe très, très vite, 3 ans. Et du coup, on nous demande en effet de faire des promesses en termes de recherche appliquée. On essaye de jouer un petit peu le jeu, mais il ne faut pas non plus se fourvoyer. Je pense que c'est dangereux de partir que vers la recherche appliquée. Parce qu'il n'y aura plus d'innovation s'il n'y a plus de recherche fondamentale. Parce que l'inspiration de l'innovation, elle vient de la recherche fondamentale. Mais le fait que le blob soit unicellulaire, est-ce que ça peut donner des indications sur ce qui se passe, par exemple, dans le cas des cancers, où il y a multiplication des cellules? Mais tout à fait. Il y a un article qui est sorti il y a 15 jours sur justement l'apprentissage au niveau cellulaire qui reprend nos travaux dans la revue Current Biology, qui est une excellente revue. Qui dit, est-ce que maintenant qu'on a prouvé qu'il y a un apprentissage chez des organismes unicellulaires, est-ce que la question d'après, c'est est-ce que nos cellules ne sont pas capables d'apprentissage indépendamment de notre système nerveux? Est-ce que nos cellules du système immunitaire ne peuvent pas apprendre? Est-ce qu'on ne peut pas stimuler ce type d'apprentissage? Donc c'est les questions qui s'ouvrent à l'heure actuelle suite à ces découvertes sur l'apprentissage au niveau cellulaire. Et dans le domaine des fourmis, est-ce qu'il y a des choses à attendre des travaux actuellement menés? Les fourmis, on est dans l'ère de la génomique. Si on va dans les conférences en ce moment, ce qui est le plus à la mode chez les fourmis, c'est la génomique et la modification, bien sûr, des génomes avec la nouvelle technique CRISPR-Cas9. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé pour la première fois l'année dernière chez les fourmis et qui ont permis de faire des découvertes qui sont assez exceptionnelles. Je crois que ça suit quand même un petit peu ce mode actuel qui est autour de la génomique et de la modification génétique. mais en intelligence collective et surtout tout ce qui est lié à la robotique, ce qu'on appelle la swarm robotique. Donc c'est des espèces de robots qui fonctionnent en essaim. Il y a beaucoup de conférences qui se font autour de ce sujet-là en ce moment, lié avec les fourmis. Roland Lehoucq, le sujet des utopias, je le répète, c'est le corps. On parle beaucoup de la chute des corps en physique. Est-ce qu'il y a nouveau en gravitation ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en gravitation ? Les ondes gravitationnelles ? Les ondes gravitationnelles, alors évidemment, qui sont assez loin de la chute des corps qu'on imagine habituellement à la Newton. Ces ondes gravitationnelles détectées directement maintenant depuis bientôt 2 ans et qui font que la théorie de la relativité générale d'Einstein est confirmée une fois de plus, dans des grands détails, et qu'une fois de plus, pour aller dans le sens du sutour, Einstein, il n'a pas fait sa théorie pour faire le GPS ou faire les ondes gravitationnelles, il a fait sa théorie pour comprendre le monde, pour comprendre comment fonctionne la gravité, pour élargir le champ d'application de sa relativité restreinte, qui elle-même était une théorie de l'espace et du temps, avant d'être élargie en théorie de la gravitation, qui remplace, ou plutôt qui englobe, qui phagocyte d'une certaine façon, la théorie qui remplace et englobe la théorie de Newton. Et donc, dans les ondes gravitationnelles, c'est une grande promesse qui est finalement tenue par l'observation. On les observe vraiment, les détecteurs fonctionnent, et cette capacité nouvelle ouvre des perspectives nouvelles, évidemment, et du coup, des perspectives très intéressantes de nouvelles fenêtres sur l'univers. On n'est plus collé à l'électromagnétisme, à la lumière, on n'est plus dépendant des quelques particules qui daignent s'arrêter dans nos détecteurs, on a maintenant la capacité à observer ces ondes gravitationnelles et les détecteurs à peine allumés, si j'ose dire, à peine mis en fonction dans leur situation optimale de fonctionnement, c'est-à-dire en 15 jours, détectent tout de suite, sur le volume d'univers qu'ils sont capables d'observer, des trains d'ondes gravitationnelles. Donc ça laisse ouverte la possibilité d'une nouvelle astronomie, d'un nouveau messager que l'on sait maintenant observer, astronomique. En plus, ces ondes gravitationnelles ont prouvé de façon définitive que les trous noirs existent. Absolument. Et qu'en plus, ils sont capables de fusionner. Exactement. Un peu comme les blobs. Et qu'il se passe des tas de choses très curieuses. Je ne vais pas pousser le parallèle plus loin. Mais est-ce qu'il y a des corps que la théorie de la relativité générale prévoit qui n'ont pas encore été détectés ? Alors, des conséquences de la relativité générale qui sont incluses dedans, mais qu'on n'a pas encore observées, ce serait les ponts de Einstein-Rosen et leur généralisation au trou de ver. C'est-à-dire l'idée que l'on puisse joindre 2 points de l'espace-temps a priori éloignés et de les joindre par une manière de raccourci spatio-temporel. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore observées. Ça risque d'être assez difficile parce que un trou de ver met en jeu des quantités d'énergie, de matière considérables, surtout de matière compacte sous forme de trou noir, mais aussi si on veut rendre ce trou de ver traversable, alors ça c'est à la mode de la science-fiction, parce que des objets comme ceux-là qui sont des sous-produits de la théorie, enfin qui sont inclus dans la théorie descriptible par la théorie de la réalité générale, c'est pas pour autant qu'ils existent dans le réel. La science-fiction s'en est emparée bien volontiers parce que ça fait des histoires extraordinaires, ça fait des moyens extraordinaires. Qu'on pense au film Interstellar par exemple, où il y a à la fois un trou noir et un trou de ver, donc tous les objets les plus emblématiques de la relativité générale sont là. Donc pour que le trou de ver soit traversable, disais-je, il faut qu'à la fois il y ait des matières, des quantités de matière très compactes, quelque chose comme des trous noirs, mais aussi de matières exotiques dont l'énergie de masse est négative. Et ça, on n'a pas vu d'objets comme ça dans l'univers. Merci Roland Lehoucq, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, ainsi qu'à vous Audrey Dussutour. Je recommande la lecture de votre livre « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander ». Moi j'ai osé. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Olivia Branger, Laurent Fracchia, Sébastien Huel, Christophe Michou, et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Monodibio pour Le Temps des Écrivains.